بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الدرس الثالث عشر. 13e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اهله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ما زلنا في الدرس الخامس الذي هو تنظيم الوقت في قصه احمد الذي هو محاسب في شركه شحن وتفريغ السفن انا رجل مرتب ومنظم وحريص على وقته وجاد في عمله نعم قد أخذنا كذلك التدريب الأول يعني الأسئلة التي تتعلق بذلك النص فالآن سندخل في التدريب الثاني ونقوم الدوزيام الجاسيس يقول استخدم كلمات الآتية في جمل من إنشائك مستعينا بالنموذج التالي. Emploie les mots suivants dans les phrases que tu vas concevoir toi-même, que tu vas inventer toi-même, en te servant du modèle suivant. مثلا يقول رتب العمل تقدير رؤوسه. ثم أصبح سدبني الفراز يرتب أحمد عمله ولذلك يقدره رؤوسه première partie c'est رتب العمل l'autre partie c'est تقدير رؤوسه c'est le gem de رئيس on va dire les chefs d'accord c'est les chefs La base d'un raïs, c'est un président. Je peux dire genre les supérieurs, tu vois, les leaders, les têtes meneuses. فالآن تفعل نفس الشيء مع الجمل التي تحتها. نظم الوقت. Ça c'est la première partie. La deuxième partie. احترام الأصدقاء. كيف تقول؟ ينظم أحمد الوقت. ولذلك يحترم أصدقاءه نعم في أحمد organise son temps de là il obtient il se fait respecter par ses amis أنجز الواجب première partie استقرار العمل deuxième partie ينجز أحمد واجبا ولذلك يستقر العمل عيد ينجز أحمد الواجب نعم كأحمد أن يشف ses obligations ولذلك يستقر العمل c'est pour cela que son travail reste stable continue ثالثا نظف البيت première partie deuxième partie c'est راحة الأسرة ينظف أحمد البيت ولذلك يروح الأسرة. يروح الأسرة. نعم. كأحمد est à la maison et comme cela la famille se repose et à l'aise. رابعا رتب المكان. C'est parti. نيل إعجاب الإخوة. يرتب أحمد المكان ولذلك ينال. ينالوا نعم كأحمد range la place le lieu et c'est pour cela qu'il obtient la stupéfaction des frères l'amour également. Parce que Yadjab, Yurjibou, c'est aussi. Et ça leur plaît, quoi. Je sais pas comment on dirait ça. Quand tu dis Hada Yurjibouni, ça peut être. Cette chose me plaît, je l'aime, ou également elle me surprend. C'est. Tu auras stupéfait, comme on dit. Bouche bête. Ça dépend de la phrase. Non, Arsant. التدريب الثالث اربط بين كل كلمتين وما يتصل بمعناها بوضع الرقم المناسب امامها مثال اكسبيكي يستك وا فور كنت تي في ان ديفينيسيون اكرو ان عرب tu dois la lier au mot qui à quel correspond auquel correspond طيب في الشركه موظف يقيد الحسابات ويعرف الربح والخسارة. يعني celui qui dans une entreprise arrive, c'est l'employé qui note les comptes et qui connaît les bénéfices ainsi que les déficits. Qui est-il? Ribh, c'est bénéfice. Non. Al-Muhasib. Al-Muhasib. Donc c'est numéro 2. C'est la définition du muhasib, du comptable. Deuxième définition, يقول اجتمع عدد من الأصدقاء ودفع كل واحد جزءا من رأس المال وكونوا شركة. Que un nombre d'amis se sont réunis et chacun, on va dire, a payé, on va dire investi plutôt, tu vois, une partie du capital et ils ont formé une entreprise. Non, Shalika, c'est la définition d'une entreprise. Bon, c'est assez vague hein, ce qu'ils ont dit, la définition. Entreprise, des fois tu peux être tout seul, hein, c'est pas forcément comme ça l'entreprise. طيب, ثالثا يقول عندما تصل السفن نضع فيها بضائع طيب المسافرين. Donc lorsque un bateau arrive, nous y posons la cargaison des voyageurs. Mahou. C'est le chahn. C'est le chahn. يشعر الإنسان براحة والهدوء عندما يؤدي عمله. Que la personne ressent du repos et du calme lorsqu'il rend son travail. نعم والآخرة يقول عندما تصل السفن نحمل منها بضائع الركاب حتى لا يبقى فيها شيء. Lorsque le bateau arrive, on en sort les cargaisons des passagers et sauf qu'il ne reste plus rien. Mao Tafrir. أحسنت. طيب تدريب الرابع يمن الفراغ في الجمل الآتية بما يناسبه من الكلمات التي بين قوسين. Donc remplis les trous dans les phrases suivantes en utilisant les mots entre parenthèses. عندنا المقبل veut dire le suivant, prochain. إعداد préparation. تبادل échange. أجر أخر عفوا أو تعدي. طيب الجملة الأولى عندنا أن الدخول قمي ثم يقول الجندي يبدأ قبل دخوله الحرب. إيش وجدت؟ جندي. سي السلدة. Je suis fatapte. Au début, j'ai écrit Tabadoul. Mais je pense que c'est Akhara. Akhara ? Vas-y, traduis avec Akhara. Est-ce que tu veux trouver comme phrase ? Moi, au début, j'ai écrit Tabadoul. Tabadoul, non, c'est pas ça. Vas-y, mais Akhara, et traduis-moi la phrase. Je vais te dire. Et tu vas voir toi-même est-ce que ça apparaît ou pas. Tahkoum binafsik. تفضل. C'est à retarder le. Yerded Jundi, préparation du soldat, commence, avance à rentrer en guerre. Alors. ثانيا يقول في شهر رمضان أقتل ترو الفراغ سأذهب إلى الحرم المكي لأعتكف فيه إن شاء الله. نعم. donc au mois Ramadan prochain j'irai à Masjid al-Haram Mecca pour faire un i'tikaf إن شاء الله. ثالثا أنا حريص على فراغ الدخول الزيارات مع أصدقائي. Je suis soucieux de les visites avec mes amis. Tabadul. L'échange de visites avec mes amis. Rabi'an, man farat al-trou, amalahu ta'awada al-kasal wal-nadam. Man akhra al-amalahu ta'awada al-kasal wal-nadam. Non. Celui qui retarde son travail s'habitue à la fainéantise et au regret. Nadam. C'est quoi le lien avec le... Il regrette, j'aurais dû le faire hier. Ah, attends. التدريب خامس. استخدم الكلمات والعبارات التالية في جمل عن العمل. Donc utilise les mots ainsi que les expressions suivantes dans des phrases à propos du travail. أولا شركة تجارية. Entreprise commerciale. يعمل زيد محاسبا في شركة تجارية. نعم. ثانيا محاسب يعني كونتابل. ومتقون في الأعرف. أولا بس جمي dans une seule phrase les deux mots. Vas-y. يعمل زيد محاسبا في شركة تجارية. تمام. ثالثا انجاز العمل لاشيفمون travail. هو متقن في انجاز العمل. رابعا تفريغ السيارات. انا عامل في مركز تفريغ السيارات. ما معنى تفريغ السيارات؟ ديشارج موتور. نعم. تقدير اصدقائك. ريسبير دو تيز امي. هل تدخل أصدقاء طيبة؟ طيب. هل تقدير الأصدقاء طيب؟ نعم. تبادل الزيارات. échange de visite. تبادل الزيارة يتضمن المحبة بيننا. نعم. وبل تبادل الزيارات يؤدي أيوة سبب المحبة ويؤدي للمحبة بيننا. ها؟ أدى يؤدي. مقبل على. Attention, mokbil là c'est l'autre sens. Ouais, en fait, ouais, je me suis précipité, j'ai écrit autre chose. Comme dans la définition du hanif, c'est le mokbil à Allah, le mu'arid à Nama Siwa. Celui qui se consacre à Allah et qui se détourne de tout ce qui est autre que lui. Quand tu as commencé un mokbil à Zalika, tu as dit je me consacre à cela. Je m'y engage. C'est plus le sens qu'on a appris. T'as mis quoi là? هذا طالب العلم مقبل على العلم. تمام. صح. Dans ce sens pédagogique, c'est pas le sens du texte. Ah. Parce qu'au début, moi j'ai écrit, avant que je trouve le mot mobile. Dans le sens qu'on a écrit au début. Ouais, non, j'ai écrit ça. Non. Là, c'est comme t'as dit. Arahatu ou l'istikraru. Yeshua Zayd, birraha ou l'istikraru. نعم شحن البضائع هذه الشركة خاصة بشحن البضائع نعم تنظيم الوقت العين في العمل يلزم تنظيم الوقت عيد العناية في العمل بي بي نعم بالعمل يلزم يلزم تنظيم الوقت وقتي وقتي تنظيم الشقة تنظيف فوق الشقة نتويج de l'appart كل جمعة فيها تنظيم تنظيف الشقة طيب السادس التدريب السادس ضع أسئلة مناسبة للإجابة التالية donc là t'as des réponses à toi de mettre la question qui va avec الجواب الأول يقول أصل إلى عملي مبكرا جاير من خبايته بكرا ستو ما هو السؤال؟ للعمل؟ نعم متى تصل إلى العمل؟ تصل ستوصل وتصل تصل تصل تصل من وصل تصل يعني كنت تقول جاير من خبايته ثانيا لا لا أؤخر عمل اليوم إلى الغد. Non, je ne retarde pas, je ne repousse pas le travail d'aujourd'hui à demain. لا أؤخر عمل اليوم إلى الغد. هل تأخر عملك اليوم إلى الغد؟ هل تأخر عملك هل تؤخر عملك إلى يوم إلى الغد يوم إلى الغد نعم ثالثا نعم وقت العمل للعمل ووقت الراحة للراحة dit oui le temps du travail pour le travail et le temps du repos pour le repos هل وقت العمل للعمل والوقت الراحة الراحة يعني في المعنى السؤال صحيح لكن في التعبير هي ثقيلة بعبوا على ربما سكرتها في المبنى كسيون السنس هو الكوريكت mais là le تعبير justement c'est d'apprendre à bien s'exprimer ça veut dire que si tu poses cette question là c'est comme si moi je te dis est-ce que le temps du travail pour le travail le repos pour le repos tu dis oui le travail pour le travail le repos pour le repos ça fait une répétition Si je te pose la question, tu vas dire quoi ? Oui. Donc lui, il a répondu par ça. C'est-à-dire, c'est à toi de trouver une question qui amène à ce qu'il ne réponde pas avec les mêmes mots encore. Mais ça l'aide, t'es cool. Hel tu nazim moktek ? Est-ce que tu regardes ton temps ? Il dit naam. Wakt il amel il amel. Wakt il raha il raha. Mais ta question, elle était correcte. Le sens était correct. C'est juste que من حيث التعبير يعني العبارة ثقيلة. هل تنظم؟ هل تنظم وقتك؟ ما هنا يقول نعم بذلك الجواب على أحسن. رابعا يشترك معي زميل في المكتب. من يشترك معك في المكتب؟ نعم يعني أنا كوليج participe avec moi dans le bureau. Collabore ou travaille. Zamili, c'est pas. Zamili, c'est le collègue. Ah, c'est pas le proche. Un ami proche. Sadiq. Zamil, non, c'est un camarade ou un collègue. Khamisan. Leistu minman. Minman yanaemun. بعد صلاة العصر. شو ممكن يقول من ينامون؟ عم صلاة من ينام. طيب. Je ne suis pas de ceux qui dorment après la salat du asr. هل تنام بعد العصر؟ نعم. طيب سادسا نعم أشعر بأنهم يحبونني. Je pense que ينامون. Je ne suis pas de ceux qui dorment. Avec les gars écrit. Non, on peut le dire. Mais ça aurait été mieux avec le man comme ça là. Ça fait un peu. Ça dit par exemple. لست من الذين ينامون بعد صلاة العصر. Cependant man. اسم موصول نعم يستخدم pour le مفرد والجمع يعني يصلح. C'est ce que ça fait bizarre quoi en fait au début. Son apparence tu vois les مفرد donc tu connais le مفرد. Mais tu peux l'utiliser même pour le pluriel. بمعنى الذين. سادسا كنا نعم أشعر بأنهم يحبونني. Oui, je sens qu'ils m'aiment. هل تقتل أصحابك؟ ماذا؟ هل تقتل أصحابك؟ ماذا تقتل أصحابك؟ Qu'est-ce que tu ressens de tes amis؟ ويقول نعم أشعر بأنهم يحبونني. Donc c'est quoi ta question? هل تقدر أصحابك؟ هل تقدر؟ كم تقدر؟ Est-ce que tes copains t'apprécient؟ ما هو كذا؟ هل يقدرك أصحابك؟ هل يقدرك أصحابك؟ أصحابك؟ أو أصدقائك؟ يقول سأتزوج بعد عام إن شاء الله. Je vais me marier dans un an, inshallah. Matas tazawwaj. نعم. طيب. On avait dit de laisser le 7, c'est ça? Ouais. سنقول بالثامن. يقول الموضوع الذي درسته كان عن عمر المنظم لعمله المرتب لبيته. هناك شخص آخر تعرفه أنت يخالف عمر في كل شيء. سيب حاله أولا ثم انصحه ليكون كعمر. Déjà ils ont fait une erreur, ils ont dit Omar, là-bas c'était Ahmed. Ils ont dit dans le sujet que tu étudies là, Omar était organisé pour son travail et qu'il rangeait sa maison. C'est Ahmed à la base. Ils ont dit Omar, c'est ça. Donc il dit là, il y a une autre personne que tu connais qui est en totale opposition avec l'acheminement de Omar en toute chose. Il n'est pas comme lui. elle est désordonnée, tout le temps en retard, ce genre de choses. Donc décris sa situation en premier, ensuite conseille-le pour qu'il soit comme Omar. Donc en fait, j'ai mélangé les deux, j'ai pas. Là, je parle directement à la personne. Je n'ai pas. Il dit Akhir, et tout par de sifat mazmoum, par de sifat mazmoum, fi amalik, ou yatadaman, ou yatadaman fi hayatik. Aïch? Ou yatadaman fi hayatik. Kif? Ça comprend si dans. Dans tes œuvres et aussi. J'ai traduit cette première phrase là. Tu viens d'écrire ce que tu viens de lire là. Là. Traduis la première fois que tu viens en arabe. Comme mon frère, j'ai remarqué certaines sifettes mauvaises dans ton travail et ce qui est relié à ta vie. Non, t'as peut-être un peu dur avec lui. C'est le coup de la haut. رأيت بعض أشياء تحتاج إلى تقويم، تحتاج إلى إصلاح، تحتاج إلى لازم تتعرّجي أو quoi. voilà tu dis moi des mauvais attributs et tout tu veux dire que tu vas le bloquer. À part c'est quelqu'un que tu connais bien depuis longtemps et voilà tu l'as déjà conseillé plein de fois. Sinon بقول عبادي يقول بالتي يحسن. Si tu dis ça, ça va plus l'aider à arranger son défaut. Si j'ai vu de toi des choses, ce serait bien de les arranger un peu, tu vois. À part tu dis des attributs mauvais comme ça, il va dire oh. Même pas lui. Mazmoum, ouais, je sais pas comment. Mazmoum, c'est blâmable. Azam, c'est un blâme. J'ai repris ça par rapport à. Tu vois, Aïma qui disait. Zamou, il a dit Akhad al-Kalam, le don d'Alil. Eh ouais, parce que là, c'est une grosse frate. Ah, mais là, c'est ton frère, là, une petite Nasiha par rapport à tout dans sa vie privée. C'est plus cool avec lui, quoi. À part, comme je te dis, si c'est quelqu'un que tu connais, que t'as déjà conseillé longtemps, tu connais bien, tu sais qu'il n'y a pas trop mal le prendre. Mais bon, le os, tu vois, c'est dire. Tu vas dire à mes serviteurs de s'exprimer de la meilleure des façons, car Shaitan veut mettre la querelle entre eux, et Shaitan est un ennemi déclaré. Dès que tu arrives à avoir un bon sexe, on dit ça, des fois on s'oublie, tu vois. Mais dès que comme les Ralema disent, dès que tu as le choix entre deux mots, prends toujours celui qui est le moins dur. Celui qui aura un meilleur impact sur la personne. Eh, mais des fois, la hikmah, c'est d'être dur, tu vois. Il y a des gens, il faut être dur avec eux. Si t'es trop gentil, ils jouent avec toi, tu vois, ils se moquent de toi, ils se pètent ta tête. Il y en a d'autres. Ça dépend des gens, en fait. Tu vois, mais le os, c'est le rifq. Le os, c'est le fikul lishif, c'est la douceur. Vas-y, continue. Ah non, j'ai mis un mot. Ah, oulan, t'amel ghariban, ou t'a akhir fil amal. C'est pas d'appeler ça. Qu'est-ce que tu as mis souvent, Ghariban, c'est connu de traduire. Traduis ta phrase. Qu'est-ce que tu as mis Ghariban, Amel Kassel? Attends, je modifie la phrase. Ghariban, tu as mis Ghariban, c'est que tu as mis. C'est quoi que tu veux dire? En général, tu es toujours dans ton travail, pour aller au travail. Fakul, fil ghalib, ta'ti. Ou ta'akhiran. Tu as dit, tu as mis ghaliban. Ta'ti. Ta'ti ghaliban ou ta'akhiran. Et. Tu as dit, tu as mis le sifat de Kassel. C'est mieux que tu mettes sifat التساهل والإهمال. C'est les caractéristiques de négligence. Ce cassel. T'as des gens, ils sont pas fainéants, mais ils sont pas vraiment tout le temps en retard. Quand ils font le travail, ils le font bien, tu vois. Mais ils sont un peu négligents en face, quand ils sont arrivés à l'heure, par exemple, ils sont un peu laxistes. Bien que, c'est vrai, comme tu dis, Vichy. Naam. Donc, faites cool. Atasahul ou al-ihmal. Laxisme, négligence, laisser aller. Thumma. Après j'ai remarqué, Faudouyoun. T'as même dit Faudou. Femme, t'avais dit quoi? Ah ouais, en fait j'avais écrit. Ouais, en fait j'avais écrit l'inverse de Ahmed. Il dit Amilta en tant que mutaakhir, wa taqaddam al-khuruj. Wa taqaddam al-khuruj. Wa taqaddam al-khuruj. Wa tubakir, enfin tu veux dire, tu pars tôt? Voilà. Tubakir, tu khuruj. Tu tardes à arriver. Et tu pars tôt. تبكر في تتأخر في الدخول في الوصول وتبكر في الخروج. Ça fonctionne à lui, non? Ah, ça fonctionne à celui-là. تبكر. Ou c'est comme je me rappelle les entiers sont beaucoup comme ça aussi dans le coffre. C'est malouf pour ça. Cette nonchalance là, il arrive en retard. Tranquille, tranquille, tout va bien. Quand il faut bouger, tu vois, il est. Et quand il faut partir, ah, il est prêt avant tout le monde. Allez, va. Et après, j'ai cité les sifat de Omar. Vas-y, dis. Onzur Omar. Onzur, il est Omar. Quand tu dis. Onzo, sans le il est, ça veut dire ah ouais, attendre. Attendre. Nazartuka, c'est je t'ai attendu. Ou Nazartu ilayka, c'est je t'ai regardé. Attention, ça c'est un bête justement, Nubtadia, ils ont joué dedans. Ujuhuni rabbihim nazira. Ils ont dit non, c'est pas ils regardent, c'est ils attendent sa récompense. On dit non. Nazara, sans le harfujar il est, ça veut dire attendre. Et s'il y a il est, ça veut dire regarder. Naam. À part c'est un fil homme. Tu dis ouzur. Point. Après tu fais ta phrase, ça c'est autre chose. Tu dis regarde. Point. Et après tu fais une autre phrase. Alors si tu veux enchaîner, c'est un lien. Tu dis ouzur, il est kaza ou kaza. Regarde telle et telle chose. Ouzur Omar. Ouzur, il est. Il est Omar. وهو مستمر في العمل ويأتي مبكرا ويخرج في وقت ال... في... في وقت المحدد في وقت مناسب عنده عناية في في التنظيم والعقد في التنظيم عنده عناية بي التنظيم في التنظيم ويجتهد فيه تو c'est comme ça que tu l'as conseillé tu l'as démonté le miskin. Ah ouais là tu l'as frustré là le miskin, il a dit oh là là. Il a dit oh là là, il m'aime pas lui. Qu'est-ce que je lui ai fait? C'est bon, je démissionne. Il dit c'est bon, j'arrête ce travail, c'est pas pour moi. Là en fait tu le fais. T'es pas comme ça, comme ça. Regarde, il est comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois? Ouais, en fait si tu parles à ton petit frère peut-être. ça le fait, tu vois. Ah, mais un frère qui lui parle comme ça pour le travail ou quoi, à part si c'est un frère vraiment tout le monde a ça, donc il dit, tu vois, il continue, ouais, dis toi, vas-y, prof, pas, t'es pas. T'as même la scène, c'est pas le fait de comparer deux personnes, c'est pas. Si. Tu compares justement pour n'acheter la personne, sur les choses apparentes de la personne. Ah ouais? Ah ouais. Il y a quoi des canaux comme tu l'as souligné là? Surtout une hasana. Ah, mais par rapport au face, femme. Hein? Tu peux te comparer à une autre personne. Dont le khayl est apparent, tu peux. Tu dis, regarde un tel, regarde comment il fait kaza et kaza et kaza, c'est bien. Tu as un exemple. Le vol Michel. On te dit pas, soit comme lui, comme ça, mais regarde un tel comme il y arrive, par exemple. Par exemple, demain, tu vois un frère, je sais pas, moi, il a du mal, on t'en a belle. Il dit, par exemple, ouais, moi, mais je parle pas l'arabe, j'ai que quelques mois et tout. Tu veux, regarde un tel, il a 4 jours, regarde ce qu'il fait. Ben, bel Michel, pour dire, ils ont moins que toi, et pourtant, regarde, ils se démènent, ils essayent. On dit pas qu'il est mieux que toi ou quoi. Mais prends exemple sur l'action de bien qu'il fait, tu vois. Prends exemple sur lui, comment il s'y prend. Comme ça, justement, toi, comme dans le hadith, par exemple, dans l'épreuve, le genre de choses, regarde aux gens qui sont en dessous de toi. Et quand tu vois dans le khayr, regarde les gens qui sont au-dessus de toi, pour te motiver, tu vois. Dans la science, toi, par exemple, dans la science, tu vas prendre l'exemple sur qui? Sur un alim ou sur un ouvrier? Tu vas prendre un alim. C'est un exemple dans la science, là, ici. Non. Ou des fois, ouais, tu fais un tamim. Quand tu veux pas, par exemple, nommer un frère, parce que tu n'as pas de façon éloge, donc il ne le mérite pas. Alors tu dis, ouais, regarde les frères qui sont nouveaux, comment ils font, regarde. Il y en a, ils sont arrivés il n'y a pas longtemps, je connais deux, il y en a, ils ont déjà réussi à faire ci, ça, tu vois. Tu fais un calame, am, pour pas nommer les gens, ça, parce que aussi faire l'éloge des gens, des fois tu l'éloges des gens, tu les connais pas en fait. Demain tu l'éloges d'un frère, regarde les mouchetaïdes, il fait ça, puis après, en fait, le frère, il est, voilà, c'est pas un frère de bien. On a déjà vu des comme ça, tu les vois mouchetaïdes dans la baleine, et quand tu entends les apprends en privé comment ils sont, tu dis, alors mouche pas, tu vois. Tu dis, c'est lui, c'est la même personne, ça. Et en fait, c'est pas la même personne. Non. طيب لا خلاص فاجدك لو خالد نصيحتك لي لذاك الشخص ولا تقبل نومي ها سنستره ونستره لنفتحه وهكذا تمام فبهذا نكتفي والحمد لله رب العالمين مع تحية دمام افاف.com